En toi, éternel, je me réfugie. Que jamais je ne sois dans la confusion. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma supplication. Sois pour moi rocher protecteur, une forteresse où je trouve abri. Car tu es mon rocher, ma citadelle. À cause de ton nom, conduis-moi par ton esprit. Délivre-moi du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon sûr refuge. Entre tes mains, je remets mon esprit. Tu m'as racheté, Dieu de vérité qui juge. J'ai haï ce qui s'attache aux vanités mensongères, et moi c'est en l'Éternel que je me confie. Je tressaillais de joie à cause de ta bonté, car tu vois ma misère et connais ma vie. Tu mets mes larmes dans ta main, tu ne me livres pas aux ennemis. Tu as mis mes pieds au large, tu es mon Dieu, mon appui. Ma force chancelle à cause de ma détresse. Mes os se consument sous le poids du jour. Mais je dis, tu es mon Dieu, mes temps sont entre tes mains pour toujours. Fais briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce, que je ne sois pas confondu. Car je t'invoque, que les méchants soient confondus loin de ta face. Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. Il garde les hommes mais il paie largement l'orgueil des superbes. Prenez courage, espérez en Dieu. Tu mets mes larmes dans ta main, tu ne me livres pas aux ennemis. Tu as mis mes